Exercice 9, page 164. A. Il veut le voir. Transformer. Il veut le revoir. B. Il veut le faire. Transformer. Il veut le refaire. C. Il veut lire. Transformer. Il veut le relire. D. Elle veut l'acheter. Transformer. Elle veut le racheter. E. Elle veut l'appeler. Transformer. Elle veut le rappeler. F. Elle veut l'apporter. Transformer. Elle veut le rapporter.